Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé de la naissance du cinéma au sens général, de la naissance du cinéma muet, de la naissance du cinéma parlant, de la première et de la deuxième partie du style western, nous allons aborder aujourd'hui un tout autre style de cinéma, le cinéma d'animation. Et ceci est la première partie. Première partie dans laquelle nous allons nous attarder, comme toujours, sur les origines de ce style, les croyances qui l'entourent, les origines de la représentation du mouvement et tout autre élément aussi intéressant les uns que les autres. Commençons tout de suite par donner la définition du cinéma d'animation. L'animation est l'appellation générique des techniques utilisées dans les films pour donner l'illusion du mouvement à une suite chronologique de représentations, comme par exemple les dessins, les peintures, les objets ou encore les personnages. Cette suite chronologique qui représente les différentes positions d'un être vivant ou d'un objet, supposé entreprendre un geste, une mimique, un déplacement ou une quelconque transformation. Creusons un petit peu en parlant des objets et croyances concernant le style animé. Depuis toujours, l'humanité suppose que les objets ont leur propre vie et qu'ils sont capables d'entrer en contact avec nous et même d'intervenir dans notre existence. Au cœur du chamanisme, qui est sans aucun doute le mode de croyance le plus ancien, non seulement l'animal, aussi petit soit-il, a la même importance que l'homme, mais les objets sont tout aussi respectables et dotés de pouvoirs naturels. Le grand maître chaman américain Michael Arner, né le 27 avril 1929 à Washington et décédé le 3 février 2018 à l'âge de 88 ans, conseille aux nouveaux initiés du chamanisme la phrase suivante, je cite, « La pierre que vous avez trouvée est un outil qui vous permettra de voir l'avenir. D'après les peuples indigènes du monde entier, toutes les choses de la nature sont vivantes, elles ont leur place et leur sens. » Fin de citation. Intéressons-nous maintenant, après ce petit point historique, aux origines de la représentation du mouvement et poursuivons par la théorie dans les peintures rupestres. Il y a 20 à 30 000 ans, les hommes dessinaient sur les parois rocheuses les représentations des animaux qu'ils chassaient ou bien qu'ils craignaient. En France, la grotte Chauvet, située en Ardèche, comporte plus de 400 dessins d'animaux, parfois exécutés l'un à côté de l'autre, comme multipliés. Leur étude a fait avancer une théorie selon laquelle ces dessins étaient une manière de représenter le mouvement des animaux peints sur les parois. Le photographe Marc Azema a relié informatiquement la reproduction de certaines peintures. Il émet l'hypothèse que le ou les auteurs de ces peintures cherchaient à dépeindre le mouvement des animaux en juxtaposant plusieurs fois la représentation d'un même sujet. Pour lui, le mouvement obtenu était ce que nous appelons les œuvres pariétales, les prémices du travelling que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, selon d'autres chercheurs, comme Gilles Deleuze, il faut se garder de chercher des traces d'un cinéma des cavernes. Quand on s'interroge sur la préhistoire du cinéma, il arrive qu'on tombe dans des considérations confuses parce qu'on ne sait pas où faire remonter ni comment définir la lignée technologique qui le caractérise. Alors, on peut toujours invoquer les ombres chinoises ou les systèmes de projection les plus archaïques, a-t-il dit. Pour eux, Marc Azema, en pensant animation, est un homme du 21e siècle, habitué au modèle de l'image animée, cinéma et télévision, qui se livrerait à une interprétation anachronique, une interprétation comprenant une erreur de chronologie du travail des artistes de la grotte Chauvet. Ainsi, Yves Coppens, paléontologue et paléoanthropologue, né le 9 août 1934 à Vannes dans le Morbihan, voit dans ses successions d'images d'un même sujet un signe des capacités d'observation aiguisées des artistes, signant un vrai savoir naturaliste, a-t-il dit. A l'instar de Yves Coppens, Marcel Hoth va dans ce sens en soulignant la fonction éducatrice des images pariétales, comme une bibliothèque à l'usage des générations montantes. « On peut dire qu'en elle, le temps s'immobilise », a-t-il déclaré. La reprise de certaines postures animales juste à côté d'un premier dessin peut laisser supposer qu'il ne s'agit que d'une série de tentatives visant à mieux représenter le sujet ou peut-être de renouveler leurs invocations magiques. Fait intéressant, dans le film intitulé « Corpus Lasco » du réalisateur italien Mario Ruspoli, figure un cheval renversé que l'on ne peut pas voir d'un seul coup d'œil, car il est en effet enroulé d'une paroi rocheuse courbée. C'est pour cela que pour découvrir ce cheval en totalité, il faut contourner la paroi en se déplaçant soi-même. Yves Coppens reconnaît en ce déplacement le mouvement caractéristique du déplacement de l'œil au cours de la lecture d'un texte pour lequel, si on veut le découvrir en totalité, nous devons bouger nos yeux. Il compare donc volontiers la représentation du mouvement dans les peintures rupestres à une bibliothèque regroupant différentes vues d'un même sujet plutôt qu'à un essai préalable d'animation. Le dessinateur invitait ses semblables à découvrir le sens de son dessin mystérieux en bougeant donc par eux-mêmes. Au fur et à mesure du temps, ce mécanisme s'est développé sur d'autres supports. En effet, un bel exemple de ce préambule du mouvement de ses prémices est le vase de Chartres et Sûreté. Des fouilles entreprises dans les années 1960-1970 sur les ruines de Chartres et Sûreté situées dans le sud-est de l'Iran et datant de l'âge de bronze ont mis la main sur un vase en terre cuite décoré de 5 vignettes qui représentent les phases du saut d'une chèvre attrapant le feuillage d'un arbuste. Un photographe a reproduit ces vignettes et les a mises en mouvement sur ordinateur. La chèvre saute pour saisir une feuille et reprend contact avec le sol et se en boucle. Il n'en a pas fallu plus pour que l'organisation du tourisme en Iran, la Iran's Heritage Tourism and Handicrafts Organization, qualifie ce travail d'animation sur gobelet et que la chèvre de Chartres et Sûreté soit portée au rang archéologique du pré-cinéma. Cependant, il s'agit là encore d'une interprétation anachronique, car l'artiste potier n'a jamais pu assister à la reproduction concrète de ce mouvement illusoire. D'une part, elle aurait nécessité une technologie trop développée pour les moyens techniques de l'époque, et comme le rappelle Yves Coppens, il n'était pas un habitué du spectacle des images animées, qui fait partie intégrante de notre pensée d'homme des 20e et 21e siècles. Néanmoins, je vous invite à aller voir ce vase sur Internet pour mettre une image sur mes mots. Un autre exemple que nous pouvons citer et qui me tient tout particulièrement à cœur est ce que nous appelons Caragueuse, dans le théâtre d'ombre apparu probablement en Asie dans la période du Haut Moyen-Âge au 9e et 10e siècle. Le mouvement n'est pas illusoire. Les ombres chinoises ou Piying utilisent des figurines plates, soit opaques, soit translucides et colorées, fixées à une tige horizontale et plaquées contre un écran éclairé par une lampe à huile à travers lequel on les voit nettement. Ce moyen de raconter une histoire en identifiant un personnage ou une silhouette mouvante s'est rapidement propagé dans le sud-est asiatique, notamment en Indonésie où il est nommé Wayang, au Proche-Orient, et en Égypte entre le 11e et 13e siècle, et enfin en Europe au 18e siècle. Parmi les personnages les plus célèbres du théâtre d'ombre, on peut donc citer Caragueuse en Turquie et Karagiozis en Grèce. Un dernier exemple dont j'avais envie de parler aujourd'hui est le théâtre de marionnettes appelé Bunraku. J'avais envie de parler car le théâtre de marionnettes va plus loin dans le merveilleux. Il repose sur l'illusion qu'un objet inanimé, comme une poupée en volume, est doué d'une conscience propre. Conscience que cet objet manifeste par des gestes qui, en vérité, lui sont communiqués par un ou plusieurs marionnettistes. Pour créer ces mouvements, beaucoup de modes de manipulation existent, dont certains depuis plusieurs millénaires. Des mouvements indirects, par fil ou par tige, directs, par gaine ou par simple saisie de la marionnette. Ce dernier moyen est surtout utilisé dans le Bunraku japonais, qui est un type de théâtre japonais datant du XVIIe siècle, dans lequel les personnages y sont représentés par des marionnettes de grande taille et manipulés à vue des spectateurs. Ici, une fois encore, le mouvement n'est pas illusoire. Les marionnettes se meuvent réellement. C'est ainsi que se termine cette première partie sur les origines du cinéma d'animation. Dans la deuxième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de ce que nous appelons les diableries. Nous parlerons également plus longuement de la reproduction du mouvement, des appareils utilisant des dessins ou photographies sur papier, et de l'appareil utilisant des photographies transparentes. Il est vrai que cette édition était un peu plus courte que les autres, mais une nouvelle fois, ce style de cinéma est tellement complexe que je ne peux pas tout dire dans un seul numéro et dans un temps limité. C'est pourquoi je préfère m'arrêter ici pour cette première édition de la Crypte du cinéma consacrée au cinéma d'animation. Cependant, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de votre émission consacrée à l'histoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Isaigne-les-Remiremont. Nous serons ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. C'était Chris, prenez soin de vous, c'est le plus important et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.